voiture. J'ai gagné 3 biatch. Pétasse, genre ma bite, tu la gaffes. Je suis même validé par le top. Cousine, tu te fais prise dans le cul et tu crois que je vais payer la donne. Ils parlent tous de moi sur Facebook et ils croient que je vais répondre. Tous ces rageux, je les soulève, j'ai même plus besoin de pousser la bombe. Radur, il parle sur personne, non, non, c'est les gens qui parlent de lui. Ils me calculaient pas hier, veulent tous être mes potes aujourd'hui. Même l'armée m'a pas fait raser ma barbe, c'est pas le peur à qui va le faire. Je vais faire malin, tous ces PD, bras, c'est pire que vous tourner. J'ai pas attendu qu'ils passent sur leur site pour tourner dans mon quartier. J'ai pas attendu quelques déj pelés pour lui faire écarter. Depuis la street a tout gâché, j'ai mis de côté l'ego trip. Les lyrics viennent pas de sortir du hems, non non, elles sortent de mes tripes. Casse-tête à Ibra d'Aubert et à JDD de Sevran. Crochet, pénalty dans la tête, c'est gay, y'a pas de coup franc. Sorbon m'a dit arrête tes bêtises, ouais repars à l'armée. J'ai dit attends, j'dis que le rap français, putain, ils viennent s'alarmer. Ça fait 8 mois que j'suis en congé, ils m'ont pas donné un billet. Poto, si tu veux me signer, faut me rembourser tout ce que j'ai payé. Quelques frères m'ont aidé, mais j'me suis fait tout seul. Fais du mal à Gradur et tu verras qu'il est pas tout seul. À ce qui paraît, j'ai du talent. À ce qui paraît, j'sais pas rapper. À ce qui paraît, j'passe la génération et même sur Bouscapé. Tu fais comment pour tenir sur tes talons avec un si gros tarpé? Elle me répond, Gradur, mais la poche, t'es que ferme un peu ton clapé. Putain, forcément, j'm'exécute. Ouais. Nakangi Munoko. Ouais. Nabimi Sikoro. Ouais. Nabeti Yeli Soko. Cette pétasse casse la démarche comme un boom du 9-5. J'vais percer dans le rap français, faire croquer mes chéguets, mes zinc. Putain de merde, Gradur, tu manges high wall, t'es trop indique ça. Laisse-les te comparer depuis nous, on sait très bien que tu kicks ça. Nique sa mère, les embrouilles de meufs et de textes, moi j'tire pour des pesos. Fuck les blues et les clips, moi j'viens juste représenter mon réseau. 243 depuis le perso, 5 teufs chouettes, zère, c'est mon checkson. J'fume le rap français comme un gros joint de weed, ouais, j'le fume perso. J'le fume perso, les gros, ouais, j'le fume perso. J'pèche ton rap français chez gay, ouais, j'le fume perso.